On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un va tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Ce générique ne trompe pas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Manu dans On the Rocks avec un drôle de son dans mon micro, dans mon casque. Je ne sais pas si vous m'entendez un peu pareil, mais j'ai l'impression de parler au fond des toilettes. Nous sommes ensemble pour deux heures dans On the Rocks sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, en direct sur OnTheRocks.net, sur le site de Radio Arc-en-Ciel, en différé sur OnTheRocks.net et puis également en rediffusion sur ZEF à Blois. Une émission gorgée de musique ce soir. Je vais pas parler beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à vous faire entendre. Et le coup de cœur ce soir, c'est un duo qui nous vient de Tours. Et le Festival au Pop-Up a parfaitement réussi sa mission puisque c'est de nous faire découvrir des artistes émergents, des artistes qui n'ont pas encore un énorme succès, mais qui vraiment le méritent. Et bien pour moi, la révélation de ce Festival au Pop-Up, c'est ce duo de Tours qui s'appelle Grande. Yeah, give me some. Un duo, c'est deux personnes. Donc, Gab à la guitare et à la voix, et puis Chloé au violon. Ils nous ont chanté dans la salle de l'Institut. J'ai couru écouter ensuite leur morceaux et je suis tombé sous le charme. Alors voilà, c'est le coup de cœur ce soir, pas encore d'album, mais vraiment une voix qu'on n'oublie pas et puis des ambiances qu'on n'oublie pas. Ils viendront défendre leurs morceaux probablement un de ces lundis soirs à ces micros dans The Rocks, ici même. Mais en attendant, voici un morceau qu'on peut découvrir sur Internet. Hein. Vous pouvez aller chercher des morceaux, vous pouvez les acheter sur Internet. Il n'y a pas vraiment d'album physique, je crois, à vendre pour l'instant. Mais en tout cas, vraiment, on va en reparler. Et beaucoup dans The Rocks. Voici donc Grande avec le morceau Eastern Boy, et c'est le coup de cœur de ce soir. Hiding from you, since I came back, I would have crushed my pain against you.

keep me searching for a heart of gold. Keep me searching, keep me searching, keep me searching, keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Oh. Premier groupe ce soir, c'était Grande dans The Rocks qui nous a illuminé le festival au pop-up cette année et qui viendront bientôt dans The Rocks à ses micros, j'espère, dans les mois qui viennent, jouer acoustique, coprogrammer, nous raconter un peu leur musique. Et puis à l'instant, c'est quelqu'un qui lui sera en concert à Orléans le mardi 26 novembre à 20h30 à l'Astrolabe. C'est JS Andara qu'on s'est déjà diffusé plein de fois dans The Rocks avec son très très beau premier album. Pour une voix comme ça, il faut un mélange 50-50, 50% de Kenya et de Nairobi, là où il a grandi, et puis 50% de sa passion pour les États-Unis où il vit désormais. C'était un extrait de la version augmentée de son album qui vient de sortir, qui a vu évidemment cette reprise de Neil Young avec Heart of Gold, tiré de l'album Harvest à l'origine, sorti en 1972. On va continuer dans les voix magnifiques et les voix que je suis depuis des années dans The Rocks. J'ai eu la chance d'interviewer ce monsieur lorsqu'il était venu à Orléans. C'était à l'Atelier, dans un tout petit bar rue de Bourgogne, et à l'époque où il y avait des très très beaux concerts à l'Atelier. Et donc il était venu jouer et il m'avait absolument enchanté, un Québécois, Montréal, avec l'accent de Montréal, quand il parle. Mais quand il chante, c'est plutôt l'accent céleste. Ça peut évoquer parfois Jeff Buckley, mais bien d'autres choses encore. Il s'appelle Leif Volbeck. Il a sorti un album qui est pour moi un des meilleurs albums des 10 dernières années, il y a 2 ans maintenant. Et il revient avec un nouvel album qui devrait sortir à la fin du mois. J'ai entendu une interview de Stéphane Escher sur France Inter, dans l'émission d'Antoine Decaune, où il disait qu'il était tombé absolument sous le charme de Leif Volbeck et qu'il avait entendu donc l'album précédent, et que après il n'arrivait pas à ne pas l'imiter quand il composait, et il s'est dit bon, au bout d'un moment ça va bien, il faut qu'on fasse un truc ensemble, parce que sinon j'arriverai plus à faire des choses personnelles vu que j'essaye de faire ce qu'il fait tellement je trouve ça bien. Ça fait plaisir, voilà, quand il y a un artiste qu'on défend depuis longtemps dans The Rock, ça fait très longtemps que je le défends, mais j'ai l'impression que ça y est, il est en train de rentrer dans la lumière et c'est justice. Voici donc le dernier morceau sorti par Leif Volbeck il y a quelques jours, ça s'appelle Transatlantic Flight, et Julie Delpy, qui est cité dans la chanson, doit être très flatté d'être cité par une voix pareille. Come on, come on, come on over, start talking to me. One thing I can tell you, you look good when you're tired. Come on, come on, come on over, start talking to me. One thing I can tell you, you look good when you're tired. Transatlantic flight. Before sunrise, I'm dazed and confused, just like Julie Delpy. Like Les Seydoux, I wanna see you roll your eyes in a televised interview. I wanna make you mine. I wanna make you mine. God's handiwork in the clouds, you navigate in the crowds of the festival. Of the festival. Light-hearted, heavy-hearted too. It's something I wouldn't put my worst enemy through.

tendance à croire et à dire que ce sont les jeunes groupes et les jeunes artistes qui sortent beaucoup d'albums et puis après ça se tarit et puis ça se ralentit. Il en est le contre-exemple. Voici que va sortir son 6e album en 4 ans seulement. Et il a 74 ans. C'était Van Morrison à l'instant, le bel Irlandais et sa voix de velours qui va sortir l'album Three Chords and the Truth. C'était le premier extrait tiré de cet album. Dark Night of the Soul, c'est ce qu'on vient d'écouter dans On the Rocks. Et franchement, on retrouve un peu la grâce et le pouvoir qu'avait Van Morrison de nous enchanter à l'époque d'Astral Weeks. Alors ça n'atteint pas les sommets d'Astral Weeks, mais quand même, pour à 74 ans sortir un album et un morceau aussi prenant, et ben moi je dis chapeau, on attend l'album avec impatience. Et puis juste avant, c'était Leif Volbeck, encore un chouchou dans On the Rocks, avec le morceau Transatlantic Flight. Puisqu'on était sur les papis et leur belle voix, et bien en voici un autre. Il s'appelle Loudon Wainwright 3. Voici un morceau qui s'appelle Ever Since the World Ended. Et bah oui, Wainwright, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et bien oui, ce monsieur est le papa de Martha Wainwright et de Rufus Wainwright, qu'on s'est beaucoup diffusé dans The Rocks. Et bien, on se demande pourquoi le fiston a une aussi belle voix. Bah maintenant, on sait. Ever Since the World Ended. Voici donc le daron Loudon Wainwright 3 dans The Rocks. Ever since the world ended, I don't go out as much. People that I once befriended don't bother now to stay in touch. Things that used to seem so splendid don't really matter today. It's just as well the world ended. It wasn't working anyway. Ever since the world ended, there's no more Bible Belt. Remember how we all pretended, going round lying about the way we felt. Every rule has been amended, no one's keeping score. It's just as well the world ended. We couldn't have taken much more. Now to fuss and fight. Dogmas that we once defended no longer seem worthwhile. Ever since the world ended, I face the future with a smile on my face. Face the future with a smile. Si vous cherchez les bons numéros, ne cherchez plus, ils sont dans The Rock ce soir. D'abord le 3 avec London Rain Ride 3 et puis le 7 à l'instant avec James Matthew, Seven Stoned When I Pray. Bien belle voix aussi et bien belle ambiance. Alors s'il y a un autre numéro et d'autres nombres à retenir, je vous les donne maintenant, notez-les. C'est le 17, 10, 19. Parce que le 17 octobre 2019, à l'Astrolabe, viendront Last Train jouer sur scène. Ce quatuor français qui chante en anglais, qui ont sorti un premier album en 2017 très prometteur, et puis surtout 350 concerts en 3 ans. Donc ils ont vraiment beaucoup tourné. Et puis ils se sont posés et ils ont sorti un deuxième album, enregistré un deuxième album qui s'appelle The Big Picture. Et puis là, c'est un peu la claque. Ça alterne des moments électriques comme ils nous ont habitués sur scène, et puis des choses beaucoup plus posées, beaucoup plus atmosphériques. Les morceaux sont tous très longs. Il y en a très peu qui font en dessous de 5 minutes. Celui qu'on va se diffuser maintenant est le plus long de l'album. Il s'appelle The Big Picture, comme l'album, et c'est vraiment, vraiment un morceau assez, voilà, assez envoûtant. Bien sûr, il y a des gimmicks de rock'n'roll, mais l'émission s'appelle On The Rocks, donc c'est pas pour déplaire. Ils seront donc en concert à l'Astrolabe, pas d'Astro TV finalement, puisque Romain qui filme pour Astro TV ne pourra pas être là ce jour-là. Par contre, peut-être une interview audio juste dans On The Rocks, et ça serait quand même pas mal. The Big Picture, Last Train, et vous êtes parti pour une longue, longue plage d'ambiance 6 cordes. We'll be right back. doesn't know, she doesn't know me at all. Just can't get you off my mind. When our eyes collided, Baudelaire, my heavy ghost, where'd you go, my friend? You just walked out again into the night. You're the one for me, foxtrot in your cha-cha heels, stood on the gold bar, trying to find somebody's eye. Where'd you go, my friend? You brought the night to a still. When you struck a pose on the marble stairway, by the foyer light, you're so pretty. Thousand summers in your eyes. Where'd you go, my friend? You brought the night to an end. When you struck a pose on the marble stairway, I'm doing. Millions just keep rolling. I'm in the head's one, waiting for you by the foyer light. L'épopée grandiose de Last Train avec Big Picture, qui voit d'ailleurs le groupe dans le clip se représenter avec des films d'archives depuis qu'ils sont enfants jusqu'à leur concert de ces dernières années. Clip assez émouvant. Et bien à l'instant, c'est encore quelque chose d'émouvant. Fionn Regan avec Head Swim, voilà un artiste qu'on suit dans The Rocks depuis longtemps. Et bien le nouvel album est là et il est très très beau comme d'habitude avec Fionn Regan. Head Swim, donc tiré du dernier album de ce chanteur chevelu. Voilà quelqu'un qui lui aussi sort un album extrêmement émouvant. Et malheureusement, ce sont parfois les plus grands drames qui donnent la meilleure musique. Franchement, on lui aurait souhaité d'être parfaitement heureux et de sortir des morceaux à la Patrick Fiori, mais non. Nick Cave a vécu un drame absolument atroce puisque son fils est mort tombant d'une falaise. Il y a 2 ans, je crois, maintenant. Et donc Nick Cave avait déjà sorti un album l'année dernière qui racontait un peu ça, enfin qui essayait d'exprimer un peu la douleur qu'il avait. Et bien il remet le couvert là-dessus, sur ce deuil, sur cette difficulté à faire le deuil, avec son dernier album qui est très beau. Sa voix de crooner, peut-être des fois jouée à puiser dans la profondeur, et bien maintenant elle ne joue pas du tout, elle puise dans la profondeur directement de la douleur de ses sentiments. Voici donc Nick Cave avec un extrait de son dernier album, ça s'appelle Waiting For You, et quand on sait le contexte, et bien ça colle des frissons. At all.

cette chanteuse il y a une douzaine d'années, 13 ans dans On The Rocks, j'en ai beaucoup parlé. Et puis c'est vrai que je l'avais un peu perdu de vue. C'est Shannon Wright qui revient avec un album entièrement piano-voix, des morceaux magnifiques. Alors bon, c'est un peu plombant sur l'ensemble de l'album, mais c'est vraiment très très beau. À l'instant, c'était le morceau qui ouvre l'album. Ça s'appelle Waiting For You. Non, pas du tout. Waiting For You, c'était Nick Cave, excusez-moi. C'était Fragments de Shannon Wright. Alors c'est un souvenir un peu cuisant pour moi, Shannon Wright, parce que j'avais eu le plaisir de la rencontrer, de l'interviewer. Mais cette interview, vous ne l'entendrez jamais, puisque tout l'interview s'est fait avec l'appareil coupé. Et voilà, je m'en suis rendu compte à la fin de l'interview. C'était bien triste. Piano-voix, juste un piano et une voix, ça n'est pas près d'arriver. À Black Francis, à Frank Black et toute sa bande, puisque les Pixies reviennent, évidemment il y a de la guitare, avec un album plutôt sympathique, plutôt bien. Des Pixies, il y a toujours un ou deux morceaux un peu bourrins, dispensables. Évidemment, ça n'atteint pas la magnificence de Doolittle dans les années 80, fin des années 80, mais... Il y a quand même des choses assez sympathiques comme ce Los Surfers Muertos qu'on se passe maintenant dans The Rocks et on va un peu se réveiller. morceau qui s'appelle See It Around and Miss You est tiré du dernier album en date des Black Keys, qui est très très bon. Sur ce morceau, on retrouve un petit peu l'influence de Dan Auerbach sur son précédent album solo, c'est-à-dire champêtre, plutôt acoustique, plutôt fleuri et plutôt 70s. Et puis on sent surtout énormément l'influence du morceau Stuck in the Middle with You. Alors soit c'est un hommage et alors c'est assez joyeux, soit c'est un pompage et c'est assez flagrant quand même. Mais juste avant, c'était les Pixies avec Los Surfers Muertos. Voilà quelqu'un qui, lui, est passé maître dans l'art de pomper et de recycler, d'abord avec son frangin, avec Oasis, et puis en solo avec son dernier album. C'est Liam Gallagher. On va se passer un extrait de son dernier album. Donc, ça s'appelle Be Still, ce soir dans The Rocks. Et bah, le riff de guitare, vous avez tout le morceau de Liam Gallagher pour retrouver d'où vient un peu ce riff de guitare. Et puis, juste après, eh ben, on va se passer l'original, hein. Alors, je pense que c'est pas avoué, mais comme d'habitude, ça recycle pas mal chez les frères Gallagher. Mais le morceau... Even though You said your love had never died. You were waiting for me at home. Put on my jacket, I ran through the woods. I ran till I thought my chest would explode. There in a clearing beyond the highway, in the moonlight our wedding house shone. I rushed through the yard, I burst through the front door. My head pounding hard, up the stairs I climbed. The room was dark, our bed was empty. Then I heard that long whistle whine, and I dropped to my knees on my head. C'était Bruce Springsteen, évidemment, 1984, tiré de son album Born in the USA. Bah si, quand même, hein, quand même, le riff de guitare du départ de Liam Gallagher. Eh oui, Liam, ça s'est vu. Encore une fois, ça s'est un petit peu vu. Et plutôt que de piller du Bruce Springsteen, eh ben, plutôt reprendre du Bruce Springsteen. Là, c'est honnête. Bravo, Lucie. Lucie Dacus, appelée Lulu. Lulu Dada, Lucie Dacus avec Dancing in the Dark, c'est maintenant. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Yeah, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I can hear you just a little help. Can't start a fire without a spark. Those guns were higher, even if we're just dancing in the dark. Can't stop. why we cannot sleep and focus on the phone. But realities, we can open up the window and sing with the bees. Yeah, we'll open up the window and scream with the trees. I can't believe you're sitting next to me. Just open up your eyes and tell me, what do you see? Do you see somebody looking back at you? Or do you see somebody that's in love with you? Let's break the clock and learn how to dance. I can't feel my feet or my knees or my hands. Yeah, it must be something in your good night. It sounds, but there's something kind of special about walking around. Cause it forces you to come undone. Yeah, true colors coming out in California sun. And I wanna know what you're thinking about when you're looking at me and your dimples coming out. Do you see someone looking back at you? Or do you see someone that's in love with you? Let's break the clock and learn how to dance. Can't feel my feet or my knees or my hands. Yeah, it must be something in your good night. L'album qui m'a accompagné dans cette fin d'été, c'était les Regrets, The Regrets avec Coloring Book à l'instant. Et puis juste avant, c'était Lucy Dacus avec Dancing in the Dark, évidemment, un morceau qui figurait sur le même album de Bruce Springsteen de 1984 que John Bond Train qu'on a entendu juste avant. Voici un groupe qui a sorti énormément d'albums, qui a peut-être pas le succès mérité, en tout cas pas en Europe. C'est Wilco, et donc un petit coucou à mon pote Christophe qui était au concert de Wilco et qui m'a proposé au dernier moment de m'emmener. Il se retrouvait avec une place. Bah désolé, je n'aurais jamais vu Wilco pour l'instant sur scène. J'espère que c'était bien, que tu t'es bien éclaté. Everyone Hides, c'est tiré du dernier album. Alors dire que c'est le meilleur album de Wilco, non. Il est un peu pépère celui-là, mais en tout cas, je vous conseille de vous plonger dans la discographie de ce groupe. Et voici un morceau que je dédie aux Ugolini qui écoutent là-bas derrière leur radio. Ouah, c'est parti, Everyone Hides. Story where the secrets twist like vines, and you know where the bodies are buried, but you can't remember where you buried the minds. Oh, no one denies, everyone hides. Oh, oh, everyone hides. selling yourself on a vision, a dream of who you are, an idea of how it should be, and a wish upon a star. Remember, remember, it can't be denied. Des fins comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, du coup, ben voilà. Ben à l'instant, c'était encore une nouveauté, c'était The Halalaz. Alors, Halal, ça s'écrit comme Allah, hein, Allah, le, voilà, Allah, hein, le dieu musulman. Donc, faire un groupe avec un jeu de mots avec le nom d'un dieu musulman, c'était un petit peu audacieux, ils ont eu des petits problèmes. The Halalaz avec In the Air, et puis juste avant, c'était Wilco. Là, il n'y a pas de jeu de mots avec Everyone Hides. On va continuer avec un artiste dans The Rocks que là aussi je suis depuis longtemps. J'aimais beaucoup ses albums acoustiques à fleur de peau, comme ça avec une voix très, il y a de la brume le matin, vous voyez. Et je suis emmitouflé dans une grosse couverture, je regarde l'horizon brumeux et je chante. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis lui, il a dû se dire, bah tiens, je fais un peu toujours la même chose. Il a mis un peu de l'électro de temps en temps dans ses derniers albums. J'ai été moins convaincu. Il y en a encore un petit peu, des traces d'électro et de bidouillage et de bip bip et de pouette pouette sur son dernier album. Mais il revient quand même à ses premières amours. Et donc, moi du coup aussi, voici Joshua Radin avec What Would You Do. Voilà, c'est une chanson qui parle des réfugiés. Donc forcément, c'est pas très soutien. I mourn were ripped showed you places that only my eyes have seen. What would you do if you finally saw the faces behind your machine? What would you do? Would you let me come home? pas beaucoup de filles ce soir dans The Rocks. Ah oui, c'est pas normal. C'est pas normal. La parité, c'est tout pourri ce soir. Heureusement, il y a Samantha Fish tirée de son dernier album à l'instant avec Fair Weather, et puis juste avant Joshua Radin avec What Would You Do, et non pas What Do You Want to Know. Ça n'a rien à voir. Maintenant, je vais être obligé de passer un morceau de Junius Maivant parce que Dudu j'écoute toutes les semaines, et si je ne passe pas un morceau de Junius Maivant de temps en temps, elle me frappe. Enfin voilà, ça se termine assez mal. Donc voici un extrait du dernier album de Junius Maivant. Il y a deux côtés, hein, Junius Maivant, c'est soit des cuivres un peu, voilà, un peu soul, et puis soit des morceaux plus folk et plus en accord avec son Islande natale. Voici Cherries Underground, et puis ensuite, si vous aimez les cordes, si vous aimez les violons, si vous aimez les quatuors, eh bien restez parce que vous allez vivre un moment délicieux. Mais pour l'instant, Junius Maivant, Cherries Underground. Slide down to cherries underground, far away from home. Let it bright up my daddy's lack of sound, right down to the bone. Love I know, love I need. Lying on the lot in front of me. Love I know, love I need. Lying on the lot in front of me. Let it dry up the strain inside my cup. I don't like the foam. Let it fire up the rain, but not too much. I ain't made out of stone. Love I know, love I need. Lying on the lap in front of me. Lord, I know, now I need it lying on the lot in front of me. In front of me. In front of me. Walk with the smallest of them talls. You don't like to be alone. Let it talk to the coolest of them all. So you don't like to be alone. Lord, I know. Love I need. From the wind, love I know, love I know. se lever et de faire une ovation, mais je suis tout seul, donc je me retiens. Genius Mavent avec Cherries Underground. Ensuite, il y avait une nouveauté, c'était Kaiser Quartet, un album entièrement composé de quatuor à cordes. Très très beau, avec Skate. Et puis, les Beatles. Alors, les Beatles, pas vraiment, mais en tout cas, ils viennent de ressortir Abbey Road dans une version augmentée avec plein d'inédits, c'est-à-dire des chutes de studio, plein de choses. Voilà. Il y a le morceau Goodbye de Paul McCartney, qu'il donnera à une chanteuse à l'époque d'Abbey Road, mais là, c'est sa version à lui, et elle est magnifique. Et puis, il y a ce Something de George Harrison, mais juste la version corde de ce Something qui a été enregistré dans les studios d'Abbey Road, la prise 39 pour être exact. Et enfin, Elvis Costello et le Broski Quartet, un album qui s'était un peu fait descendre au début des années 90. Moi, je le trouve assez magnifique. La voix d'Elvis Costello plus le Broski Quartet, c'était Jackson's Monk and Row. Voilà, donc on ressort des albums comme si c'était des nouveautés avec des morceaux jamais entendus, comme c'est le cas avec les Beatles avec Abbey Road. Et encore mieux, maintenant, on peut chanter avec des chanteurs morts. Oui, ça fait quelques années. Eh bien, voici une demoiselle qui le fait pas trop mal. C'est Sheryl Crow qui chante Redemption Day en duo avec Johnny Cash, le vrai Johnny Cash, mais mort. Television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Redemption day. It's buried in the countryside. It's hidden in the shells of night. It's everywhere a baby cries. Freedom. Freedom. You out of your hospital bed to take you down to the shore, and people came from all around to hear those songs that they know. Feel like there's an angel hanging on your shoulder. Growing up in London, wanna die in Dublin. Everybody sends their love from the West End streets and the hustlers and halls to touching down in New York, and the Irish cops and the junk on the street had everything you could want. Drinking with the angels till the early morning. All those dirty faces filling up your pages. Gonna keep on running. They said you never make it. Everybody sends their love. Well, I got myself on a flight across from Texas over the sea, and I felt so lost, didn't know what to say. Standing in the waves, feel like there's an angel. Gonna tell you a story, playing death or glory. Everybody sends their love. Everybody sends their love. Plutôt que de chanter avec les morts, on peut chanter avec les vivants aussi. C'est ce qu'a fait Jesse Malin sur son dernier album. Avec Lucinda Williams, à l'instant, c'était Shane, c'était Lucinda Williams qui faisait les chœurs, mais l'album est de Jesse Malin. On retrouve également Billy Joe Armstrong de Green Day sur un autre morceau de Jesse Malin qui est passé d'un rock très très velu dans les années, il y a une dizaine d'années, à quelque chose d'un peu plus tranquille. On the Rock, c'est bientôt fini. Je vous retrouve la semaine prochaine, 19h30, 21h30. Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté toute l'émission, les deux heures. C'était plutôt tranquille ce soir, mais j'espère que ça vous a fait du bien pour ce temps automnal. On se retrouve la semaine prochaine, et quand vous voulez, sur le site ontherocks.net, en rediffusion d'à partir de mercredi, allez, on va dire. Rendez-vous la semaine prochaine, donc 19h30, 21h30. Je vous laisse avec un petit souvenir, un souvenir qui date de 1996, et je pense que ça va en réjouir quelques-uns et une, peut-être du côté de Darvois. Voici donc Pearl Jam, et je vous dis bonne nuit. a song.